Luka, nous sommes là. Les abomotins qui sont à l'Oloïma, superstar de bazar, Ramadan. Yeah. Baba la vraie valeur sûre. Thank you.